Chapitre 12. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa pitié pour nous, je vous demande de vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer par un changement complet de votre intelligence. Vous pourrez alors comprendre ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes. Que chacun de vous s'estime d'après la part de foi que Dieu lui a donnée. Dans un seul corps humain, nous avons plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents que nous devons utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don d'annoncer des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi qui est la sienne. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. L'amour doit être sincère. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Ayez aussi de l'ardeur à vous respecter mutuellement. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'énergie. Soyez joyeux à cause de votre espérance et patient dans les souffrances. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin et recevez bien ceux qui viennent chez vous. Demandez à Dieu de bénir ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Réjouissez-vous avec ceux qui sont joyeux, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. Ne soyez pas orgueilleux, mais acceptez des tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous les hommes. Faites tout votre possible, dans la mesure où cela dépend de vous, pour vivre en paix avec tous. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture déclare, « C'est moi qui tirerai vengeance. C'est moi qui paierai en retour, dit le Seigneur. » Et elle déclare aussi, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons brûlants sur sa tête. » Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien.